un petit coin bien au chaud là, quelque part endormi et respirant à peine, de peur de perdre haleine. Il n'attendait que toi, et ton regard l'a croisé, rendant cette couleur à l'été. La chaleur l'a réveillé en sursaut. Il n'y avait plus que toi, et tu fais battre mon cœur. Jamais rien connu de meilleur que le boom-chak dans mon cœur, y'a rien de mieux. Et tu fais battre mon cœur, jamais rien connu de meilleur que le boom-chak dans mon cœur, y'a rien de mieux. À l'abri dans son carton, tu lui fais courir le fond jusqu'à 2000 à l'heure. Ça chauffe à l'intérieur. Il ne bat que pour toi. Il ne faut pas t'en aller. Il a encore peur de tomber en se prenant les pieds dans le tas. Comme c'était avant toi. Et tu fais battre mon cœur. Jamais rien connu de meilleur que le boom-chak dans mon cœur. Y'a rien de mieux. Et tu fais battre mon cœur. Jamais rien connu de meilleur que le boom-chak dans mon cœur, y'a rien de mieux. Il est toujours là au chaud, là, quelque part sous ma peau, qui transpire quand t'es là et frissonne quand il te voit. Il n'y a plus que toi. Jamais je n'aurais pensé un jour, quand tu l'as regardé, la force qu'il aurait, il l'avait retrouvé à l'ombre de toi. Et tu fais battre mon cœur, jamais rien connu de meilleur que le boom-chak dans mon cœur, y'a rien de mieux. Et tu fais battre mon cœur, jamais rien connu de meilleur que le boom-chak dans mon cœur.